بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ونواصل فيما يتعلق بالقصر وقد رأينا بالأمس أن القصر رخصة وهو جائز في كل سفر مباح. Et donc on continue concernant ce qui est donc concernant la réduction de la prière, la diminution de la prière, et on a vu hier que la diminution de la prière est une permission, est une facilité qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordée, et que celle-ci elle est permise pour tout voyage licite, tout voyage légiféré. واليوم معنا مسألة شهيرة في السفر. Et aujourd'hui, on va voir un sujet connu concernant le voyage. وَهِيَ مَسَافَةُ الْقَصْرِ. Et ce sujet, c'est la distance de la réduction, de la diminution de la prière. La distance de la diminution de la prière. أي مَهِيَ الْمَسَافَةُ الَّتِي تُعْتَبَرُ سَفَرًا فَيَجُوزُ فِيهَ الْقَصْرِ. C'est-à-dire, quelle est la distance qui est considérée comme un voyage et donc qui va permettre qu'on diminue la prière? Quelle est cette distance? Est-ce qu'aujourd'hui on habite à Villerue, on prend la route, on arrive à Esch, au Luxembourg, 5 minutes, on a voyagé. On est d'un pays, on est passé d'un pays à un autre. Est-ce qu'on est considéré comme ayant fait un voyage, alors qu'on a mis 5, 10 minutes maximum pour faire ce voyage, pour aller donc à Esch? Et donc, est-ce qu'on peut raccourcir et diminuer la prière? فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ شَدِيدَةُ الْخِلَافِ بَيْنَ الْعُلَمَةِ. Et donc, ce sujet est un gros sujet de divergence entre les savants. وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَةُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ أَقْوَالٍ. Certes, les savants, ils ont cité plus de 10 avis concernant ce sujet. Plus de 10 avis concernant la distance qui est considérée comme étant un voyage. إذن نحن كالعادة لا نذكر جميع الأقوال وإنما نركز على أهمها. Et donc nous, comme d'habitude, on ne va pas citer tous les avis, mais on va citer les avis les plus importants, inshallah ta'ala. فالقول الأول فالقول الأول وهو قول مالك والشافعي وأحمد وهو قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة وكذلك هو قول اختيار الإمام البخاري رحمه الله أن السفر يكون بأربعة برود. Et donc le premier avis, qui est l'avis de l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed. Parmi les compagnons, c'est aussi l'avis d'Ibn Omar, Ibn Abbas, radiallahu anhuma. C'est aussi l'avis qu'a choisi le grand imam al-Bukhari, rahimahullah. Et quel est cet avis? C'est que le voyage, la distance qui est considérée comme étant une distance de voyage, c'est Arba'ati Burud, donc 4 برود. وهو الذي يقارب 80 كيلومتر عندنا. Et c'est ça qui équivaut à 80 kilomètres à peu près. Ça équivaut à 80 kilomètres aujourd'hui, inshallah ta'ala. هذا القول استدل القائلون به بالحديث المشهور لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة دون ذي محرم. Les savants qui voient cet avis, donc c'est-à-dire les 80 kilomètres, le voyage, la distance d'un voyage, c'est 80 kilomètres. Les savants qui ont cet avis, ils se basent sur le hadith qui est connu, Abu Huraira et d'autres compagnons qui rapportent ce hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas permis à la femme qui croit en Allah et au jour dernier d'accomplir un voyage d'une distance équivalente à un jour et une nuit. sans avoir de mahram. Sans avoir de mahram avec elle. Et donc cette femme ne peut pas faire cette distance. Ils ont dit cette distance, un jour et une nuit, en avançant avec les montures, les chameaux, à pied, etc. C'est une distance qui est faite donc sur 80 km à peu près. Un jour et une nuit, cette distance se fait sur... Donc cette distance représente 80 km à peu près. لكن الإشكال أن هذا الحديث له روايات عدة. Le problème c'est que ce hadith il a plusieurs narrations. فذكر تارة أو ذكر تارة بيوم وليلة كما ذكرنا وتارة بيوم وحده وتارة بليلة فقط وتارة ثلاثة أيام. Ce hadith, il a plusieurs termes. Parfois, il a été cité dans ce hadith, donc le fait que cette femme, elle ne peut pas voyager, donc, un jour et une nuit. Parfois, un jour. Dans certaines narrations, une nuit. Dans une autre narration, trois jours. Et donc, ça change. Les savants qui se sont appuyés sur ce hadith, ils ont dit ici, le prophète, il a déterminé ce qu'est un voyage. Il a déterminé que le voyage pour la femme, c'était un jour et une nuit. Un jour et une nuit, on regarde, ça fait combien? Ça fait à peu près 80 km. Le problème, c'est que dans certaines narrations, il est cité un jour. C'est pas un jour et une nuit. Dans certaines narrations, il est cité une nuit. Dans certaines narrations, il est cité trois jours. Et donc, ça change. وَكَذَلِكَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ قد يكون أطول في يوم وأكثر في يوم آخر. Aussi la jour, la journée et la nuit peuvent être plus longues durant une période et plus courtes durant une autre période. فما هي هذه المسافة وكيف تعرف حقا. Et donc quelle est cette distance et comment pouvons-nous la connaître réellement? وكذلك السير قد نسير ببطء وقد نسير بسرعة. Il se peut que le voyage, il se peut qu'on avance rapidement, il se peut qu'on avance lentement, et donc qu'on fasse, walaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, il se peut qu'on fasse donc ce voyage de un jour et une nuit, on fasse en plus que 80 km. Excusez-moi. Il se peut que ces 80 km là, on les fasse en plus qu'un jour et une nuit. Il se peut qu'on les fasse en moins qu'un jour et une nuit. Tout dépend de la vitesse de ceux qui voyage. فيصعب الاعتماد على هذا الحديث لهذا القول. Et donc en réalité, il est difficile de s'appuyer sur ce hadith pour cet avis, pour dire que l'avis le plus juste c'est 80 km inshallah ta'ala. القول الثاني وهو قول أبي حنيفة رحمه الله أن القصر لا يجوز في سفر يقل عن ثلاثة أيام. Le deuxième avis, c'est l'avis d'Abi Hanifa رحمه الله qui dit que la diminution de la prière n'est pas permise pour un voyage qui est moins long que trois jours. وما هو دليل أبي حنيفة رحمه الله هو الحديث الذي ذكرناه في سفر المرأة دون محرم. Quelle est la preuve de Abi Hanifa رحمه الله? C'est le hadith qu'on vient de citer concernant le voyage de la femme sans mahram. Parce que dans une des narrations, il est cité ثلاثة أيام. Il est cité dans une des narrations trois jours. Et donc Abu Hanifa s'est basé sur ce hadith. وقد بينا أنه يصعب الاعتماد على هذا الحديث لتحديد مسافة القصر. Et on a dit qu'il est difficile de s'appuyer sur ce hadith pour déterminer la distance du voyage. وذهبت الظاهرية إلى أن مسافة القصر ثلاثة أميال أو ثلاثة أميال. Et donc الظاهرية, il voit que la distance de la réduction, la diminution de la prière, elle équivaut à 3 miles. مستدلين بما أخرجه مسلم في صحيحه عن يحيى بن يزيد أنه سأل أنس أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه عن الكسر فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. Et donc, al-Zahiriyya, elle se base sur le hadith qu'a cité Muslim dans son Sahih, selon Yahya ibn Yazid, qui a interrogé Anas ibn Malik, radiallahu anhu, concernant la diminution de la prière. Alors Anas, il a répondu en disant, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il sortait d'une distance de 3 miles ou de 3 farasikh, Il faisait 2 unités de prière. Et donc, il diminuait la prière. Taïb, el-mail, 4000 zira. La distance qu'on appelle le mail, c'est 4000 coudées. 4000 coudées. Et la coudée, c'est 46,2 cm. إذن الميل هو كيلومتر وثمانمائة وثمانية وأربعين. Et donc le mile, c'est 1 km 848. Le mile, c'est 1 km 848. وثلاثة أميال, c'est 5 km, donc 3 أميال, c'est 5 km 544. Donc cette distance-là, c'est un voyage pour Al-Zahiriyya. Le hadith, il nous cite Al-Amiel ou Al-Farasikh. Al-Farsakh, c'est 3 Amiel. Et donc on multiplie par 3. Et donc, parce que vous avez vu, dans ce hadith, il y a un doute. C'est soit 3 Mail, soit 3 Farasikh. 3 Mail, ça nous donne 5 km 544. 3 farasikh, ça nous donne 16 km 632. Et donc, à partir de 16 km, tu es en voyage. Al-Zahiriyya, ils ont pris la plus petite, donc la plus petite distance, et ils ont dit, c'est ça le voyage. C'est la plus petite distance qui a été citée dans les textes. Voilà le voyage. Lakinna hadha al-hadith la yasluhu al-istidlalu bihi fi hadhihi al-mas'ala. Cependant, ce hadith, on ne peut pas non plus s'appuyer sur ce hadith pour ce sujet-là. Pourquoi ? Pourquoi on ne peut pas s'appuyer sur ce hadith ? Il y a une distance qui a été citée. Donc on a... Par contre, on a un doute sur 2 distances. On a la distance 5 km et quelques, la distance 16 km et quelques. Tu dis, bon, allez, au pire, on prend la plus petite distance et on s'appuie dessus. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ce hadith ? Fi sahih muslim. Hein ? Tout simplement parce que al-murad bi hadha al-hadith. Laysa al-murad bihi masafat al-qasr. C'est pas la distance qui nous permet de faire le voyage qui est voulu ici. C'est ma hiya al-masafa allati nabda'u fiha bil-qasr. C'est-à-dire, c'est à partir de quelle distance on peut commencer à diminuer la prière. C'est-à-dire que je voyage à Paris. Il y a plus de 16 km, on est d'accord. À partir de quel moment je commence à diminuer ma prière? Est-ce que je dois attendre d'être arrivé au milieu du chemin? Ou alors je peux commencer un peu avant, ou à partir de quel moment? El murad idha kharajtu min al-bunyan. Lorsqu'on sort des bâtisses. On sort de la zone où il y a les bâtisses, où il y a les bâtiments. À partir du moment où on est sorti de cette zone-là, on peut donc diminuer la prière. Lidhalika ja'a 'an an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu safara ila Makkah wa qasara as-salata fi dhil-Hulayfa. C'est pour ça qu'il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a voyagé à la Mecque. Et qu'il a raccourci la prière à Dhul-Hulayfa. Dhul-Hulayfa, c'est à quelques minutes de Médine. Quelques minutes. Et donc, personne ne considère que la mosquée de Dhul-Hulayfa, pour y aller, il faut faire un voyage depuis Médine. Personne. Pourtant, là, il a diminué la prière. Et donc, ce qui est voulu par là, ce n'est pas la distance du voyage. Ce qui est voulu par là, c'est à partir de quel moment on peut commencer à raccourcir la prière. Est-ce que vous avez compris ? Tayyib ? Et donc, on ne peut pas utiliser ce hadith comme preuve pour ce sujet-là. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم إلى أن الأمر راجع إلى العرف. ابن تيمية ainsi que ابن القيم رحمه الله, il voit que on se base sur العرف, ce qui est connu chez les gens, les habitudes des gens. لماذا لأن الشارع لم ينص على تحديد خاص لمسافة السفر. Car le Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas donné une limite précise pour la distance du voyage. Idhan narji' ila ma ya'tabiruhu an-nas safaran. Et donc à ce moment-là, vu que Allah ne l'a pas déterminé, et donc on regarde ce que les gens eux-mêmes ils considèrent comme étant un voyage. Tayyib, donc on a vu 4 avis. On a dit qu'il y a plus de 10 avis dans ce sujet, là on en a vu 4. Et donc le premier avis, El Jumhur, 80 km. Le deuxième avis, Abu Hanifa, 3 jours. Le troisième avis, El Zahiriya, la distance de 5 km et quelques. Et le dernier avis qu'on a vu, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, El Ouf, les habitudes des gens. El Rajih, il a retiré Fennas, Mouchkil. Al-Rajih, alors l'avis le plus juste, Inch'Allah, 80, mais on a dit que le dalil sur lequel ils se sont basés, il y a plusieurs narrations, c'est difficile. On fait quoi? Idan, Al-Rajihu fi hadhihi al-mas'ala, Inch'Allah ta'ala, huwa qawl al-jumhur. L'avis dans ce sujet, c'est le plus juste, c'est l'avis de al-jumhur. Pourquoi? Parce que je vous ai cité, je vous ai dit min adillatihim. Je vous ai dit, وَهَذَا أَيْدًا قَوْلُ بْنَ عَبَّاسِ وَبْنَ عُمَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. J'ai dit aussi, ça c'est l'avis d'Ibn Abbas et d'Ibn Umar. فَكَانَ بْنَ عَبَّاسِ يُفْتِي بِذَلِكِ وَالْبُخَارِ ذَكَرَ فِي صَحِيحِهِ فَتْوَى ابْنَ عُمَرِ فَتْوَى ابْنِ عُمَرِ. Al-Bukhari il a cité dans son sahih la fatwa d'Ibn Umar. Ibn Abbas, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, aussi il faisait les fatwas en disant, en citant cette distance, أَرْبَعَةُ بُرُد. Donc 80 km à peu près. وَلَا يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ مِنَ السَّحَابَ. Et on ne connaît aucun compagnon qui les a contredits. فَيَسْعُبُ عَنْدِي أَنْ أَخُذَ قَوْلَ أَحَدٍ يُخَالِفْ هَذَا الْقَوْلِ. Et donc pour moi, il est difficile de prendre l'avis de quelqu'un qui va contredire celui-là. Pourquoi? Parce que ça, c'est la parole des compagnons. وَهُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Ce sont eux qui connaissent mieux le prophète صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. وَهُمْ أَعْلَمُ مَنْ هُمْ أَكْثَرُ مَنْ يَعْلَمُ مَا دَعَ إِلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Ce sont eux qui connaissent le mieux ce à quoi a appelé le prophète صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et donc rappelez-vous, on a déjà abordé ce sujet. Lorsque dans une divergence, on a plusieurs avis, qu'il n'y a pas une preuve claire, mais qu'on a des fatwas de sahaba dessus. On n'a que des fatwas de sahaba. On ne peut pas délaisser les fatwas des sahaba. Les seules choses qu'on a sur ce sujet, c'est les fatwas des sahaba là-dessus. Les savants, ils nous disent, comment, pourquoi est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala, il a préservé que ces fatwas-là des sahaba? Pourquoi il n'y a pas d'autres avis qui nous sont parvenus? Pourquoi est-ce qu'on va délaisser les paroles de ceux, ce sont eux qui connaissent le mieux le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eux qui connaissent le mieux le Coran? Ce sont les seules choses qu'on a sur ce sujet. Et donc, il est difficile d'aller prendre l'avis d'une autre personne. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. C'est pour ça que l'avis vers lequel je penche le plus, c'est donc que le voyage, la distance commence à partir de 80 km. Même pour nos frères qui sont en Martinique, Inch'Allah. Pour ceux qui sont déjà allés en Martinique, on a le voyage du nord au sud. On a de Makouba jusqu'à Sainte-Anne, 95 km. 95 km. Makouba jusqu'à Sainte-Luce, on a un peu plus de 80 km. 82 km, j'ai vu tout à l'heure sur le GPS. Et donc là, la personne qui prend cet avis, qui voit qu'il est permis de faire le Qasr, elle fait ce voyage et là, il lui est permis de diminuer la prière, Inch'Allah Ta'ala. Parce que c'est à partir de là, les frères, que ça commence à devenir difficile. C'est à partir de là qu'on commence à se dire, ah, il faut m'organiser. C'est pour ça que tu ne vois pas souvent des gens qui ont un travail aussi loin. Et lorsque les gens travaillent aussi loin, en général, il y a une compensation dans le salaire. Parce que c'est difficile, ça fait beaucoup d'essence, etc., etc. Et donc, c'est là que ça commence à devenir difficile. C'est pour ça que, donc, la vie le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, c'est que c'est là que ça commence aussi à devenir un voyage. Naam. On fait la prière, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.